tu partiras pendant la nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. » Pharaon dépêcha dans toutes les cités des hommes chargés de mobiliser, qui annoncèrent : « Ils constituent un groupuscule et sont peu nombreux, qui ont provoqué notre courroux. Nous demeurons tous, quant à nous, très vigilants. Nous les ravîmes alors à leur jardin et à leur source, à leur trésor et à leur splendide résidence. C'est ainsi qu'il en fut, et nous en fit mériter les enfants d'Israël. Au petit jour, ils se lancèrent à leur poursuite. Lorsque les deux groupes furent en vue, l'un face à l'autre, les compagnons de Moïse dirent : « Nous sommes bientôt rejoints. » « Certes non, dit Moïse, car mon Seigneur est avec moi, qui me guidera. » Nous révélâmes à Moïse : « Frappe la mer de ton bâton. » Et la mer se fendit en deux, formant de part et d'autre comme deux gigantesques pans de montagne. Nous y laissâmes s'en approcher les autres, et sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Puis nous y noyâmes le reste. Il y a là un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Ton Seigneur est, lui, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Raconte-leur aussi l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il demanda à son père et à son peuple : « Qu'adorez-vous donc ?»« Nous adorons des idoles, répondirent-ils, et nous leur vouons un culte exclusif. » « Est-ce qu'elles vous entendent ?» leur demanda-t-il, « quand vous les invoquez. Peuvent-elles vous profiter ? Peuvent-elles vous nuire ? C'est que nous avons trouvé nos pères les adorant ainsi, dirent-ils. « N'avez-vous donc pas vu, dit Abraham, ce que vous adorez, vous et vos premiers ancêtres ? Eh bien, ce sont tous là pour moi des ennemis, excepté le Seigneur de l'univers, qui m'a créé et qui me conduit vers le droit chemin, et qui me nourrit et me donne à boire, qui, lorsque je tombe malade, me guérit. C'est lui qui me fera mourir, puis me fera revivre, et c'est lui dont j'espère le pardon de ma faute, au jour de la rétribution. Seigneur, veille me faire don de la sagesse, et daigne me faire rejoindre les gens vertueux. Puisses-tu faire que je sois cité en bien, par les langues des générations futures. Fais-moi l'un des héritiers du jardin des délices. Pardonne à mon père, qui était du nombre des égarés. Ne me couvre pas d'infamie le jour où ils seront ressuscités, le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, excepté celui qui viendra vers Allah avec un cœur pur. Le paradis sera alors rapproché des hommes pieux, et la fournaise apparaîtra devant les dévoyés. Et il leur sera dit : où sont donc ceux-là que vous adoriez en dehors d'Allah ? Vont-ils vous secourir ? Ou se secourir eux-mêmes, ils y seront jetés, les uns sur les autres, eux et les dévoyés, ainsi que toutes les armées d'Iblis. Et ils diront, s'y disputant : par Allah, nous étions vraiment en plein égarement, lorsque nous vous mettions sur un pied d'égalité avec le Seigneur de l'univers. Seuls des criminels nous ont ainsi égarés, et nous n'avons pas d'intercesseurs ni d'amis chaleureux. Si seulement une deuxième chance nous était donnée, nous serions alors du nombre des croyants. Il y a certes là un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Le peuple de Noé traita aussi les messagers de menteurs, lorsque Noé, leur frère, leur demanda : « Ne craignez-vous donc pas Allah ? Je suis envoyé vers vous en messager fiable. Craignez donc Allah, obéissez-moi. Je ne vous réclamerai pour cela aucune récompense, car ma récompense ne relève que du Seigneur de l'univers. Craignez donc Allah, obéissez-moi. Allons-nous croire en toi quand seul t'a suivi la ville populace ?» Il répondit : « Que sais-je de ce qu'il faisait ? Seul mon Seigneur peut dresser leur compte, si seulement vous pouviez le sentir. Et je ne m'en vais nullement chasser les croyants. Je ne suis là que pour avertir ouvertement. Si tu n'arrêtes pas, Noé, dirent-ils, tu seras certainement lapidé. » Noé dit : Seigneur, mon peuple m'a traité de menteur. Décide donc entre eux et moi. Sauve-moi ainsi que les croyants qui sont avec moi. » Nous le sauvâmes alors, ainsi que ceux qui étaient avec lui dans l'arche chargée. Puis nous noyâmes ceux qui restaient. Il y a certes là un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, Les Had aussi taxèrent de mensonges les envoyés. Lorsque leur frère Houd leur dit « Ne craignez-vous donc pas Allah ? Je suis envoyé vers vous en messager fiable. Craignez donc Allah, obéissez-moi. Je ne vous réclame pour cela aucune récompense, car ma récompense ne relève que du Seigneur de l'univers. Allez-vous donc bâtir pour vous divertir sur chaque colline un monument ? Continuerez-vous à ériger des forteresses comme pour y vivre éternellement ? Et quand vous avez recours à la violence, le ferez-vous toujours en impitoyable despote ? Craignez donc Allah, obéissez-moi. Craignez celui qui vous a dispensé tout ce que vous savez, qui vous a donné des bestiaux et des enfants, des jardins et des sources. Je crains pour vous le supplice d'un grand jour. Que tu nous exhortes ou non, lui répondirent-ils, cela nous est égal. Ce ne sont là que les traditions des peuples d'autrefois, mais nous ne serons nullement soumis au supplice. Ils l'accusèrent donc de mensonge, et nous les fîmes périr. Il y a certes là un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Les Thamoud aussi taxèrent de mensonges les envoyés. Lorsque leur frère Salih leur dit « Ne craignez-vous donc pas Allah ? Je suis envoyé vers vous en messager fiable. Craignez donc Allah, obéissez-moi. Je ne vous réclame pour cela aucune récompense, car ma récompense ne relève que du Seigneur de l'univers. Serez-vous donc traité tranquillement dans cette confortable situation qui est la vôtre, au milieu de jardins et de sources, de cultures et de palmiers de belles venues, aux fruits mûrs. Allez-vous continuer à tailler aussi adroitement vos maisons dans les montagnes ? Craignez donc Allah, obéissez-moi. Et n'obéissez point aux ordres des transgresseurs, qui sèment la corruption sur terre et n'appellent pas à la réforme. Tu ne peux être que sous l'emprise d'un ensorcellement répété, lui dirent-ils. Tu n'es qu'un humain comme nous, ou alors, produis un prodige si tu dis vrai. Voici une chamelle, leur dit-il. Elle devra boire à certains jours et vous devrez boire à d'autres. Ne lui faites aucun mal, ou vous subirez le supplice d'un grand jour. Ils la battirent et furent le lendemain rongés par le remords. Le supplice les saisit. Il y a certes là un signe indéniable, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Le peuple de Lot aussi accusa de mensonges les envoyés lorsque leur frère Lot leur dit « Ne craignez-vous donc pas Allah ? Je suis envoyé vers vous en messager fiable. Craignez donc Allah, obéissez-moi. Je ne vous réclame pour cela aucune récompense, car ma récompense ne relève que du Seigneur de l'univers. Rechercherez-vous donc des rapports intimes avec les mâles de parmi les humains et délaissez les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Vous n'êtes certes que des transgresseurs. Si tu n'arrêtes pas, ô Lot, lui dirent-ils, tu seras banni. Il répondit, je suis vraiment de ceux qui abhorrent ce que vous faites. Seigneur, sauve-moi, ainsi que ma famille, de ce qu'ils font. Nous le sauvâmes, ainsi que toute sa famille. Hormis une vieille femme qui fut parmi les disparus. Puis nous anéantîmes les autres. Nous fîmes tomber sur eux une pluie de pierres, et quelle funeste pluie pour des gens pourtant prévenus. Il y a certes là un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Les gens d'Al-Aïka aussi taxèrent de mensonges les envoyés. Lorsque Shu'aïb leur dit « Ne craignez-vous donc pas Allah, je suis envoyé vers vous en messager fiable. Craignez donc Allah. » Obéissez-moi. Je ne vous réclame pour cela aucune récompense, car ma récompense ne relève que du Seigneur de l'univers. Donnez pleine mesure et ne fraudez point pour faire perdre aux gens leurs droits. Pesez avec une balance exacte. Ne rognez pas les biens d'autrui et ne parcourez pas la terre en y semant la corruption. Craignez celui qui vous a créé, vous et les premières générations. Tu ne peux être que sous l'emprise d'un ensorcellement répété, lui dirent-ils. Mais tu n'es qu'un humain comme nous, et nous pensons vraiment que tu es un menteur. Fais donc tomber sur nous des pans du ciel, si tu dis vrai. Mon Seigneur, dit-il, en sait le mieux sur ce que vous faites. Ils le traitèrent de menteur, et le supplice du jour du nuage sombre les saisit. Ce fut le supplice d'un jour terrifiant. Il y a certes là un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Ton Seigneur est lui, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Ce livre est une révélation du Seigneur de l'univers, que l'Esprit fidèle est descendu confier à ton cœur, pour que tu sois de ceux qui avertissent, en une langue arabe limpide. Il était déjà annoncé dans les Écritures des peuples anciens. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants, parmi les enfants d'Israël, en aient déjà eu connaissance? Si nous l'avions révélé à un homme de quelque peuple étranger, et que leur messager le leur eût récité, ils n'y auraient pas cru pour autant. C'est ainsi que nous avons introduit le scepticisme dans les cœurs des criminels. Ils n'y croiront donc pas avant de voir le supplice très douloureux, qui fondra sur eux soudainement et sans qu'ils en sentent l'arrivée. Ils diront « Nous sera-t-il accordé un sursis ? » Veulent-ils donc hâter notre supplice ? As-tu considéré que si nous les laissions jouir de leur vie pendant des années, et que par la suite leur parvienne ce qui leur était promis comme châtiment, leur jouissance passée leur servirait-elle à quelque chose ? Nous n'avons détruit aucune cité qui n'ait déjà eu des avertisseurs pour leur rappeler nos preuves, et nous n'avons jamais été injustes. Ce ne sont point les démons qui sont descendus avec cette révélation. Il ne leur est pas donné de le faire, et ils en sont incapables. Ils sont tenus loin pour ne point pouvoir l'écouter. N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, ou tu seras parmi ceux qui seront soumis au supplice. Avertis les plus proches parmi les tiens. Abaisse ton aile pour ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. S'ils te désobéissent, dis « Je désavoue ce que vous faites ». Confie-toi au Tout-Puissant, tout miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves pour prier et te voit parmi ceux qui se prosternent. C'est lui qui entend tout et c'est lui l'omniscient. Vous apprendrai-je sur qui descendent les démons? Ils descendent sur tout calomniateur et dépravé. Ils tendent l'oreille, mais la plupart d'entre eux sont des menteurs. Quant aux poètes, seuls les suivent les dévoyés. Ne vois-tu pas qu'ils errent par tous les veaux et qu'ils disent ce qu'ils ne font point? Hormis ceux qui d'entre eux croient, accomplissent les bonnes œuvres, évoquent souvent le nom d'Allah et répondent aux attaques dont ils sont victimes. Les injustes verront bientôt le sort qui sera le leur.